Histoire numéro 5, Jael Burgmeister. Vous avez bien dormi, au moins, Monsieur Scholem Aleichem, moi non. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on me tire dans les oreilles. Depuis ce jour-là, on tire, on n'arrête pas de tirer. Et on tire des deux côtés, de l'un les Allemands et de l'autre le Tsar. Et même si j'arrive à m'endormir pendant une petite heure, voilà mon Jael, attaché à l'arbre, les mains derrière le dos, qui me regarde avec douleur et tendresse, et avec des larmes plein les yeux. Comme s'il me disait « Adieu, papa, on ne se reverra jamais. » Mais je mets la charrue avant les bœufs, comme on dit. Les nouilles avant le poisson, hein? Et vous, vous n'aimez pas qu'on se presse, parce que la hâte n'a jamais rien apporté de bon. Surtout que sur ce bateau, heureusement, nous ne manquons pas de temps, Dieu merci. Alors nous pouvons nous offrir encore une petite demi-heure. Quel mal à ça! La grosse affaire. Soit on mange, soit on dort. Ou on s'ennuie à regarder le ciel et la mer, de l'eau à l'air et de l'air à l'eau. Quelle sale invention que les voyages! Dieu me pardonne ces propos lugubres. Bon, où en étions-nous? À mon Jael. Et à la façon dont son Altesse le Kaiser allemand l'a pincé, lui, le rabbin et le rabbin en titre. Tout ça pour qu'il serve de caution au paiement de la contributia qu'il nous avait ordonné de payer. Puis, je vous ai conté comment il a relâché les deux autres et a gardé mon Jael avec lui, parce qu'il pouvait lui être utile, qu'il disait. Vous imaginez comment j'ai regagné la maison. Pas besoin de vous expliquer. Vous, avec des enfants, vous aussi, et vous aussi, vous en avez vu de pas jolis. Si au moins je n'avais pas commis cette faute tragique, en l'emmenant avec nous chez le commandant. Oh, Gewalt! Que vais-je raconter à la bourgeoise? Quel bobard je vais lâcher à la belle-fille! Je reste planté devant la porte, comme un garnement qui a fait une sottise. Et je ne peux pas entrer à la maison. Bon. Je fonce et je demande à la cantonade. Jael n'est pas rentré? On me répond. Non, on l'a relâché. Pour sûr, on les a tous relâchés, même que lui, Jael, il s'en est sorti haut la main. Comment ça? Avec une lettre de remerciement, figurez-vous. Avec une bénédiction, une médaille, un serrement de main, un bravo. Notre Jael, on le tient dans la plus haute estime chez les Allemands. Et tout en faisant mon boniment, je me regarde dans la glace pour voir à quoi ressemble un type qui ment comme il respire. Évidemment, il me regarde tous au fond de la bouche et gobe toutes mes paroles. Vous comprenez? Les pauvres femmes, qu'est-ce qu'elles comprennent? Alors elles me demandent. Mais pourquoi les Allemands l'ont encensé comme ça? Moi, je fais mine de me mettre en colère. Comment ça, pourquoi? À cause du Shabbat, peut-être? Quoi? Vous ne le connaissez pas, notre Jael? Vous en avez déjà vu deux comme lui? Ici, à Krušnik ou à Jonev, ou même à Moselbužec, ou dans n'importe quel coin de la province de Lublin. Pourquoi vous taisez-vous, Monsieur Scholem Aleichem? Écoutez-moi, je ne veux pas me vanter. Je vais vous dire la vérité vraie, parce que moi j'ai horreur des menteurs, comme un juif a horreur du cochon. Pour moi, un menteur c'est encore pire qu'un paillard ou un renégat. Mais que pouvais-je faire d'autre? Dites, je vous le demande à vous. Quand on a affaire à deux êtres faibles comme elles, et que leur vie va dépendre de tout ce que vous allez leur dire, hein, je vous le demande un peu. Alors j'ai commencé à leur sortir mensonge après mensonge, comme des macaronis. J'en avais même la nausée. Imaginez, le vieux Jacob Jonever en train de mentir comme un sanglier. Et les deux autres, elles croient que c'est la vérité qui sort de la bouche de Moïse. J'ai quitté la maison en douce et je suis allé chercher un appui chez le commandant. Vous suivez? Je me disais qu'il allait peut-être avoir pitié. Et comme je cours comme ça, sur qui je tombe? Sur Jael, tout essoufflé, tout souriant. Le visage rayonne, les yeux brillent, et il pousse des cris tout en faisant de grands gestes avec les bras. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jael ?»« Papa, dis-moi Mazel Tov. »« Mazel Tov, mon fils. »« Et pourquoi Mazel Tov ?»« Ta chèvre a accouché d'un veau ou ta vache a mis bas un chevreau ?» Et le voilà qui rougit et qui me demande « Tu sais à qui tu parles en ce moment, papa ?» Je le toise de haut en bas. « Au fils de Jacob Jonever. »« Au fils de Jacob Jonever, ça, c'est en plus. » »« À part ça, tu parles avec le bourgmestre de Krušnik. » Et depuis quand portes-tu le titre de bourgmestre de Krušnik? Cela fait maintenant une heure que je suis bourgmestre. C'est le commandant qui m'a nommé. Burgmeister, il l'appelle ça. Figure-toi que pendant que vous autres vous occupiez de l'histoire de la Comtributia, le commandant appelait tous les notables goy de la ville, le Kaznatché, puis le Postmeister, et enfin le télégraphiste, les autres ayant pris la poudre d'escampette. Il a cherché parmi eux son Burgmeister, mais ils ont tous refusé poliment, sous prétexte qu'ils ne savent pas un mot d'allemand. Le commandant a piqué une colère terrible et les a jetés dehors. Puis, il appelait le diacre Pandechevski. Celui-là a rampé devant lui dans la poussière. Merci par là, pardon par là. Mais quand il arrive au cœur du sujet, il explique qu'il regrette profondément ne pouvoir accepter l'honneur qu'on veut lui faire, vu que la majorité des habitants de Krushnik sont juifs. Et il ajoute qu'avec les juifs, c'est difficile de s'arranger. Et il commence tout un chapelet de calomnies dans le style du méchant Haman. Tout ça, et il crache le feu et le souffle comme seul un Polak sait le faire. Et il termine son discours par la formule consacrée « Djidjid, Djidjid, Djidjid ». L'autre explose contre les Polonais. L'autre explose contre les Polonais et annonce que si c'est comme ça, eh bien il va nommer un juif comme Burgmeister, et que les Polonais aillent au diable. Alors, le voilà qui s'adresse au rabbin et au rabbin en titre. Le premier demande qu'on le laisse tranquille. Il a passé l'âge. Il a un pied dans la tombe. Quel mauvais Burgmeister il ferait. L'autre se met à trembler comme un mouton à l'abattoir. Impossible. Il tient une charge publique et il a été nommé par le gouvernement russe. En bref, eux aussi sont fichus à la porte. Alors, le commandant se tourne vers Montgeyel et proclame « Fils de Jacob Yorneva, je te couronne maire de cette ville, Burgmeister de Krushnik. » Jeyel va pour lui répondre, mais l'autre lui ferme le bec. Il rappelle le Kaznatché, le Postmeister, le télégraphiste, le diacre Panpechevski, et il annonce en allemand « Prenez note, messieurs, ce Djidij est désormais votre Burgmeister. » Et il montre Jeyel du doigt, tout en ajoutant « Ce que ce Djid a dans le talon, vous ne l'avez pas dans la tête. » Et moi, quand j'entends cette belle histoire de la bouche de mon Jeyel, je jette tous mes cauchemars sur la tête, les mains et les pieds de l'Allemand. Mais tu n'as pas besoin de ça, mon pauvre Jeyel. Non seulement à cause de ton coup de feu en l'air, tu as échappé d'un cheveu au peloton d'exécution, mais encore tu veux maintenant jouer aux billes avec l'ange de la mort. Cela vaut-il la peine de risquer sa vie pour une couronne de Burgmeister? Et tout ça, de la Saint-Sylvestre au jour de l'an? Alors Jeyel me regarde avec de grands yeux. De la Saint-Sylvestre au jour de l'an? Qu'est-ce que tu t'imagines, je réplique. Tu crois que ça va durer? Puisse la diaspora durer plus longtemps que ton mandat à la mairie. En attendant, ton Allemand n'a pas encore publié de décret disant que Krushnik lui appartient devant Dieu et devant les hommes. Tu sais ce que tu risques si le tsar l'emporte et que toutes les bourgades de la province de Lublin lui tombent encore entre les pattes? Le diacre Pampechevski va se lisser la moustache et il ira chez le Moudjik nous faire un de ses crocs en jambes. J'espère bien me tromper et que cela n'arrive jamais. Et que pensez-vous qu'il arriva, monsieur Cholem Aleichem? Vraiment, je ne veux pas me vanter de ma sagesse et de mes talents prophétiques, parce que la prophétie, il paraît que ça n'existe plus de nos jours. Mais j'ai quand même une tête de juif avec un bon odorat. Vous comprenez ou non? Au moment même où l'Allemand entrait à Krushnik avec sa musique en tête, déjà moi, j'avais reniflé qu'il y avait là tout ce que vous voulez, d'accord? Sagesse, héroïsme, argent, oui, mais tout ça manquait un peu de longévité. La preuve en est que lorsque le tsar a fait son retour, l'évidence voulait qu'il revienne se camper là sur ses quatre pattes, la bête. Vous comprenez ou non? Parce que lui, il commence toujours par un pogrom. Un pogrom sur les juifs en bonne et due forme. Mais là, je vous raconte une histoire dans une autre histoire. Et vous, on vous connaît. Vous aimez que chaque histoire ait sa place à elle. Alors je vais vous laisser un moment en repos, et je continuerai plus tard mes contes de mille et une nuits.